إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le samedi, inshallah, les cours de Sharh al-Usul al-Salata du Cheikh Saleh al-Fawzan, ce qu'on avait laissé au cours 16. Et on était arrivé à la partie numéro 4 dans yani al-Usul al-Salata, le début en réalité des trois fondements. On a expliqué que al-Usul al-Salata, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il était divisé en 4 parties. La première partie, hein, au sujet des quatre points, l'ilm, l'amal bihi, l'da'wat ilayhi, l'sabr ala al-adhafi. La deuxième partie, c'est les trois questions, hein, trois points qui ont, à propos de yani, le fait qu'on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers. Le deuxième point, que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on associe avec lui dans l'adoration. Le troisième point, al-wala wal-bara. Ensuite, la troisième partie, c'est au sujet de l'explication yani, de Al-Hanifiyya et de la voie d'Ibrahim ou de la religion d'Abraham et l'explication des termes Tawhid et Shirk et qu'est-ce que ça signifie. Puis la quatrième partie, c'est au sujet des trois fondements, Ma'rifatul Rabb, Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, wa Ma'rifatu Dinihi, wa Ma'rifatu Din al-Islam. Donc c'est ça les trois fondements, hein, de connaître Allah, de connaître sa religion et de connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est donc dans cette quatrième partie Ar-Risalat al-Rabi'a qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Et donc on va continuer parce qu'on ne pouvait pas le faire auparavant, on ne pouvait plus continuer parce que le temps était trop court et qu'en même temps le frère Mohamed, étant donné qu'il avait déjà commencé auparavant, donc ça devenait un petit peu comme si compliqué, mais étant donné comme on a dit que maintenant on a plus de temps, puis en même temps aussi étant donné que le charh qu'il fait lui c'est le charh d'Ibn Uthaymin, et donc il est différent du charh de Cheikh Al-Fawzan. Il y a des points qui sont expliqués différemment, puis il y a des choses qui sont mentionnées ou clarifiées de d'autres façons, puis des fois même il y a des choses que le Cheikh aborde que l'autre n'aborde pas. Donc ça c'est un point intéressant. Puis aussi en passant, j'ai commencé aussi un cours à la mosquée Oumma au centre-ville le mercredi, entre le Maghrib et l'Isha. Donc, on est encore dans l'introduction, la biographie. On fait un petit rappel de la biographie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Si jamais il y a des frères qui sont, par exemple, loin d'ici, par exemple, puis la semaine, ils ont du temps libre, ils peuvent venir assister au dars, parce que il y a beaucoup de jeunes frères là-bas qui, disons que il y a rien qui se passe. Pour eux là-bas, il n'y a pas de cours, il n'y a rien. Donc c'est une opportunité pour eux. Ça facilite pour eux l'apprentissage, l'étude de l'islam. Donc il faut en profiter de cette occasion-là si vous pouvez, si vous êtes dans le coin. Parce que c'est pas tout le monde qui peut venir jusqu'ici, puisque c'est très loin. pour certaines personnes. Donc, on va continuer donc avec l'explication. Le Cheikh, il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, Al-Aslu al-Awwal, Ma'rifatullahi, Azza wa Jal. Fa'iza qila laka, ma hiya al-Usul al-Thalatha, allati tajibu ma'rifatuha. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire au serviteur de connaître de ces trois fondements-là? Le premier fondement, c'est la connaissance d'Allah, Azza wa Jal. Et il dit, et si on te demande quels sont les trois fondements qui sont obligatoires pour un musulman de les connaître? Quels sont les trois fondements qu'un musulman doit obligatoirement connaître? Alors, tu réponds, c'est que le serviteur connaisse son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il connaisse sa religion et qu'il connaisse son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, le cheikh, il va expliquer les termes qui sont mentionnés dans ce passage. Le cheikh al-Fawzan, hafizahullah, il dit, قوله الأصول جمع أصل وهو الأصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره فهذه سميت بالأصول لأنها يبنى عليها غيرها من أمور الدين أو من أمر الدين فلذلك سميت أصولا لأنها يبنى عليها أمر الدين وكل الدين يدور على هذه الأمور الثلاثة. Donc le cheikh il dit que en arabe le mot usul c'est le pluriel du mot asl. Et asl en arabe ça veut dire la chose sur laquelle on bâtit ou on construit. Donc ça on peut traduire le terme usul par le terme fondement ou fondation ou base. Ça c'est dans le sens du mot asl. Le pluriel c'est usul. Et qu'est-ce qui vient par opposition à qu'est-ce qu'on dit en arabe comme al-asl? Par opposition c'est al-fara. Le pluriel de fara c'est furu'. Al-fara ça s'écrit fa-ra-ayn. Fa-ra-ayn. Et al-fara c'est qu'est-ce qui découle de la base, ou bien on appelle aussi des branches des arbres, on les appelle furu', les branches des arbres. Le tronc, on l'appellerait l'asl, puis les branches al-fara', ou al-furu'. Et donc, c'est qu'est-ce qui est construit sur autre chose. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui est construit sur quelque chose d'autre. Et donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est construit sur la base. Pourquoi on les appelle ces trois fondements-là, pourquoi on les appelle usul? Parce que tout le reste de la religion repose sur ces fondements-là. C'est pour ça qu'on les appelle les fondements de la religion, parce que la religion elle est bâtie sur ces choses-là. Donc le cheikh il dit ensuite وقوله معرفة العبد ربه ربه منصوب منصوب لأن مفعول لأنه مفعول لمعرفة لأن المصدر معرفة أضيف إلى اسم الفاعل العبد والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل وقوله دينه ونبيه معطوف عليه أي على المنصوب هذه أصول الدين إجمالا وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله. Donc le cheikh explique ici des termes en fait qui ont rapport avec la grammaire, du fait que le terme rabbahu, ma'rifatul abdi rabbahu, il est mansoub. Puis il explique pourquoi. Donc ça c'est des explications grammaticales. La personne qui étudie la grammaire, il comprendra qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique, et le bienfait de connaître ces choses-là. Ensuite, le cheikh il dit لماذا خص هذه الأصول الثلاثة لأنها هي الأساسات لدين الإسلام ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره لأن العبد إذا وضع في قبره وصوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين إلى أهلهم جاءه ملكان في القبر فتعاد روحه في جسده ويحيى حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنيا حياة الله أعلم بها حياة الله أعلم بها فيجلسانه في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي فيقال له كيف عرفت يقول قرأت كتاب الله فدريت وعرفت فينادى مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ويوسع له في قبره مد البصر فيأتيه من ريح الجنة وروحها فينظر إلى مسكنه في الجنة فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وأما المرتاب الذي عاش في الريبة والشك وعدم اليقين وإن كان يدعي الإسلام إذا كان عنده شكوك أو عنده ريب في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج فإذا قالوا له من ربك يقول لا أدري وإذا قالوا ما دينك يقول لا أدري وإذا قيل من نبيك يقول لا أدري ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc le cheikh il explique que pourquoi on a pris ces trois fondements là en particulier, c'est parce que ce sont les fondements de la religion, ce sont les bases de la religion de l'islam, parce que ce sont les questions que les serviteurs sont posées dans leur tombe lorsqu'ils sont mis dans leur tombe. Lorsqu'un serviteur est mis dans sa tombe et qu'on va égaliser la terre par la suite sur lui, on va remplir son trou de terre et qu'on va égaliser ça par la suite et que les gens vont tous retourner chacun chez eux, il y a deux anges qui vont venir s'asseoir près de lui dans sa tombe et son âme va être remise dans son corps et il va être remis en vie mais d'une vie qu'on appelle une vie du barzakh, al-hayatul barzakhiyya. Al-barzakh c'est une autre dimension, une autre étape entre cette dunya et l'au-delà. C'est une, si on veut, c'est une étape intermédiaire entre notre monde puis le jour de la résurrection. Et c'est une vie qui est différente de la vie qu'on est en train de vivre actuellement et qui n'est pas régie par les mêmes règles que les règles qui sont établies dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que parfois quand on dit, on parle avec des gens qui adorent les tombes, puis on leur dit pourquoi vous adorez des morts, ils disent non mais ils sont pas morts, ils sont vivants dans leur tombe. Et puis nous on leur répond oui d'accord, peut-être qu'ils vivent une certaine sorte de vie, mais c'est pas une vie comme la vie qu'on vit dans cette vie d'ici-bas. Ils ne peuvent plus rien faire pour personne maintenant, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle al-hayatul barzakhiyya. Donc il ne faut pas faire des analogies entre notre vie d'ici-bas et la vie dans la tombe. Puis penser que qu'est-ce que ces hommes-là, ou ces femmes pieuses, ou ces hommes pieux étaient capables de faire durant leur vie dans ce monde, eh bien ils sont capables de faire la même chose encore lorsqu'ils sont dans cette vie-là. La vie du barzakh, il n'y a aucune comparaison avec la vie de la dunya. Et donc, ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'il y a quelqu'un, justement, qui m'a posé cette question-là dernièrement. Et puis, yani, c'est pour faire comprendre, en fait, parce que ça fait partie des shubuhat, des soufiyines et des gens qui adorent les tombes. Lorsqu'ils veulent essayer de justifier l'adoration des morts, ils mentionnent ça comme shubha. Donc, le cheikh, il mentionne, il dit que c'est une vie, mais c'est une vie qui est différente de la vie d'ici-bas. Et c'est Allah seul qui connaît la réalité de cette vie-là, comment elle est. Qu'est-ce que ces deux anges-là font par la suite? Ils viennent s'asseoir auprès de lui dans sa tombe et ils lui posent trois questions. et lui pose la question, qui est ton Seigneur? Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. C'est-à-dire, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète? Donc, le croyant, lui, il va dire, mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va lui poser la question, comment as-tu su? Hein? Qui t'a dit? Il va dire, j'ai lu le livre d'Allah. Et donc, j'ai appris et j'ai su. Alors, on va entendre un appel dans le ciel, ou un appel qui va dire, mon serviteur a dit vrai. Et donc, on va dire, faites-lui sa tombe comme un tapis, ou bien tapissez-lui sa tombe comme le sol du paradis. Et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et donc, on va étendre pour lui sa tombe. On va l'étendre de la distance de son regard, c'est-à-dire là où son regard est capable de voir la distance de sa vue, eh bien on va lui étendre sa tombe de cette façon-là. Et il y a du vin et de l'odeur du paradis qui vont entrer dans sa tombe, hein. Et il va être capable même de voir sa demeure qu'il va avoir dans le paradis. Alors il va dire, ô mon Seigneur, fais que l'heure du jugement dernier arrive. Comme ça, je vais pouvoir retourner à ma famille et retourner à mes biens. Tandis que la personne qui avait des doutes et qui vivait dans le doute et l'incertitude, qui n'avait pas de certitude, alors il prétendait l'islam, il prétendait croire en l'islam, mais il avait des doutes. Il avait des doutes dans sa religion et dans la religion d'Allah. Comme l'hypocrite, donc il est hésitant. Il ne sait pas vraiment comment répondre. Alors, quand on va lui poser les questions, il ne va pas répondre comme il faut. On va lui dire, qui est ton Seigneur? Il va dire, je ne sais pas. On va lui dire, quelle est ta religion? Il va dire, je ne sais pas. On va lui dire, qui est ton prophète? Il va dire, je ne sais pas. Ha, ha, je ne sais pas. Comme s'il est confus, hein, quand il dit ha, ha, c'est comme si, ha, yani, il est confus, il ne sait pas quoi répondre. Et puis, bien entendu, yani, comme on va voir, les anges le frappent à ce moment-là. Et également, il va dire quoi, cette personne? Il va dire, j'ai entendu des gens qui répétaient quelque chose. Et j'ai dit la même chose qu'eux. Comme si pour faire comme tout le monde, mais il n'était pas vraiment convaincu de ça. Et ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith exact, le numéro du hadith, c'est 1338 dans Sahih Al-Bukhari, selon Anas. Et également, l'imam Muslim, il l'a rapporté aussi selon Anas. Le hadith de 1870 et Al-Bara ibn Azib l'a rapporté aussi dans Sunan Abu Daoud, le hadith numéro 4753. Donc ça c'est pour la référence. Naam. Donc par rapport au Al-Mu'min Al-Asi, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui élargir sa tombe, et est-ce qu'il va avoir la même situation que celui qui est dans le doute de sa religion et qui ne sait pas répondre, et est-ce qu'il aura le châtiment comme ceux-là? Allahu a'lam. Moi, je ne sais pas la réponse à cette question-là. Toutefois, il y a des mu'minines qui ont commis des péchés, quand ils vont être dans leur tombe, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent subir, par exemple, comme châtiment de la tombe? C'est quelque chose qui vont faire en sorte que, par la suite, quand ils vont être ressuscités, ils vont pouvoir entrer au paradis à cause des péchés qui leur ont été, effacés par le châtiment qu'ils ont subi dans la tombe. Donc c'est comme ça. Tandis qu'il y en a d'autres, peut-être que leurs péchés ont été trop grands ou plus grand que ça. Donc la tombe, le châtiment de la tombe a pas suffi pour, disons, expier ou effacer les péchés qu'ils avaient. Donc ils vont devoir par la suite rentrer dans l'enfer un certain temps. Mais étant donné qu'ils sont des gens qui ont été sur le tawhid et qui n'ont pas commis de shirk, c'est certain qu'ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer. Ils vont rester un certain temps pour les purifier de leurs péchés, puis par la suite ils vont rentrer au paradis pour rester là-bas pour l'éternité. Donc ça c'est ce que je sais, mais pour les détails, Allahu a'lam, je sais pas plus que ça. Donc wa alaykoum salam Thomas. Dans la tombe, hein, c'est une, comme on a dit, c'est une hayat, al-hayat al-barzakhiyya, c'est une vie qui est différente de la vie d'ici-bas. Mais la personne qui est dans sa tombe, lorsque par exemple elle reçoit la visite des anges et que les anges lui posent les questions, elle est consciente de ça dans sa tombe. Donc la personne qui est dans sa tombe, elle est consciente de qu'est-ce qui se passe dans la tombe, mais pas de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, dans cette dunya par exemple. D'accord? Quand j'étais à Médine, il y a un cheikh là qui était là-bas. À chaque fois, il me voyait, il disait, les jeunes, ils doivent pas s'asseoir sur le mur. C'est les vieux seulement qui doivent s'asseoir sur le mur. Et subhanallah. Hein, Jamal? Barakallahu fik. Donc c'est ça. Inch'Allah, la personne qui a des doutes, comme on a dit, elle pourra pas répondre. Et Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué même dans ses explications de cette parole dans le hadith, il a dit que même parfois si la personne était un savant, même si la personne elle avait été un savant durant sa vie, qu'elle avait du ilm, qu'elle avait mémorisé le Coran, qu'elle avait mémorisé les hadiths, qu'elle avait étudié le tawhid et tout, hein, ce jour-là, peut-être elle pourra pas répondre. Hein? Donc c'est pas juste d'avoir du ilm, mais c'est bien entendu al-ikhlas, sidq, la sincérité, être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère dans la foi. Le cheikh il dit ensuite, يعني أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان والعياذ بالله وهذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية فيقول في الدنيا ربي الله وهو غير مؤمن بها قلبه منكر والعياذ بالله يقول ديني الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام قلبه منكر ويقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه وإنما يقول بلسانه فقط وهذا هو المنافق فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقوا ويسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق أي لمات من الهول ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها فيقول يا رب لا تقم الساعة هذه عيشته وحالته في القبر والعياذ بالله لأنه ما أجاب بالجواب السديد ولذلك ينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que c'est-à-dire que l'individu qui était dans cette vie d'ici-bas, il disait, hein, qu'il croit en Allah, puis il croit en l'islam, il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il disait ça sans vraiment y croire, sans vraiment avoir d'iman. Et ça, c'est l'état du munafiq. C'est l'état de la personne qui montre qu'il croit en l'islam, mais que dans son cœur, il n'y croit pas réellement. Il montre seulement des choses de l'islam dans le but d'un intérêt de la dunya. Donc, dans la dunya, il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Mais il n'y croit pas. Dans son cœur, il le nie. « Wa la iyadu billah ». Il dit « Ma religion, c'est l'islam ». Et il ne croit pas en l'islam pourtant. Dans son cœur, il le nie. Il le rejette. Et il dit « Mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Et il ne croit pas en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Donc ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est l'état, comme le cheikh il dit, l'état de l'hypocrite. L'état de l'hypocrite. Et il y a beaucoup de catégories aussi qui peuvent peut-être rentrer là-dedans, comme les jeunes bid'a par exemple, parce que des fois, ils ont une attitude comme ça envers la sunna, envers l'islam. Ils nient des choses qui font partie de l'islam, ils nient des hadiths, et ils agissent d'une façon qui fait en sorte que Allah al-Musta'an, ça peut être dangereux pour eux dans la tombe ou bien au jour de la résurrection à cause de ça. Il y a beaucoup de musulmans actuellement, par exemple, qui se sont, comme si, disons que, surtout on le remarque à l'époque actuelle, ils ont été éblouis par les valeurs et le mode de vie des non-musulmans, des juifs et des chrétiens et des koufars en général. Puis ça les a éblouis à un tel point que ils s'imaginent que c'est qu'est-ce qu'ils vivent ces gens-là, la façon comment ils vivent, que c'est ça le haq. Hein? Parce qu'ils se disent comment ça se fait que ces gens-là arrivent à s'organiser puis à vivre d'une façon bien et tout. Ça veut dire que probablement ils ont le haq. Donc, si l'islam c'est la religion de haq, elle doit être comme ça, elle aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut interpréter l'islam pour que ce soit en accord avec qu'est-ce que les koufars possèdent. Et qu'est-ce que les koufars ont, hein? Et ils ne réalisent pas qu'il y a une différence entre la réalité de ce que l'islam, par exemple, enseigne et qu'est-ce que les koufars ont comme principe. Et c'est pas parce que les koufars, par exemple, ont ces principes-là qu'ils vivent de cette façon-là, et c'est pas parce que nous, on n'a pas les principes occidentaux qu'on a du désordre dans certains de nos pays. Hein? Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais c'est plutôt le contraire en fait. C'est parce qu'on n'a pas, respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a les problèmes qu'on a. Donc on n'a pas besoin de déformer l'islam ou d'inventer un nouvel islam pour arriver à régler nos problèmes et à réinterpréter l'islam à la lumière de ce que les koufars font pour essayer de corriger les problèmes qui existent chez nous. Plutôt il faut justement retourner à la réalité de ce que l'islam enseigne, hein, et bien le comprendre et le respecter pour que les choses fonctionnent. Donc ça c'est un exemple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu les mentionnes des hadiths, tu leur mentionnes des versets dans le Coran et des hadiths sur certaines questions qui ont rapport avec la politique ou qui ont rapport avec d'autres questions de la dunya, et ils disent non, j'accepte pas ces hadiths là alors que ce sont des hadiths authentiques. Parce que eux, ils se basent sur d'autres choses que l'islam pour établir leur jugement dans ces questions-là. Donc, ils veulent pas juger selon ce que Allah a ordonné. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, ils les accusent d'être toutes sortes de choses. Donc ça, c'est des exemples de ces gens-là qui disent ça. Et avant eux, il y en a qui ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent on n'a pas la justice. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui distribuait le butin et qui faisait la séparation des biens, malgré ça, ils n'étaient pas satisfaits. Et ils disaient qu'il n'y avait pas de justice. À l'époque des Sahaba, ils ont dit Ali radiallahu anhu c'est un kafir. Et ils ont dit que Uthman radiallahu anhu c'est un kafir. Ils ont dit ils sont pas justes. Donc si eux ils sont pas justes, qui va être juste? Hein? Personne va être juste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui là, même si ils trouveraient des dirigeants qui sont 100% justes, ils allaient trouver des injustices quand même chez eux pour justifier de les critiquer ou de s'opposer à eux ou des choses de ce genre. Puis quand tu leur mentionnes les hadiths à ce sujet-là, ils ne veulent pas les accepter. Donc, des fois, on se demande est-ce que ce ne sont pas des munafiqines, hein? Hein? Des fois, on a des questions, des fois, on se demande certains d'entre eux. Eh, hey, na'am. Donc, Nasarullah al-Afiya. Donc, le Cheikh, il dit إنما يقول بلسانه فقط. Donc, il dit ça seulement avec sa langue. Et on va lui répondre tu n'as pas su et tu n'as pas lu, tu n'as pas récité. Et il sera frappé avec un bâton de fer. Et quand il sera frappé par ce bâton-là, yani, il va crier d'un cri que si les hommes et les djinns entendaient ça, ils seraient foudroyés par ce cri, tellement c'est un cri effrayant. Et toutes les créatures entendent ce cri, mais sauf l'être humain. Et s'ils l'entendaient ou s'ils pouvaient l'entendre, les êtres humains auraient tous été foudroyés, c'est-à-dire ils seraient morts de crainte et de terreur à entendre ce cri-là. Et à ce moment également, la tombe de cette personne va commencer à se rétrécir sur la personne, comme si les murs de sa tombe deviennent de plus en plus étroits, puis ils s'écrasent sur lui, jusqu'à ce que ses côtes commencent à s'entrelacer, commencent à rentrer les unes dans les autres comme ça, puis sa cage thoracique qui s'écrase, les côtes qui rentrent les unes dans les autres, puis qui s'écrase de cette manière-là. Puis on lui ouvre une porte où il voit l'enfer. Et de cette porte, il y a de la fumée de l'enfer qui rentre dans sa tombe, de même que de la chaleur aussi qui rentre. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il va dire ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure du jugement dernier. Ne la fais pas venir. Contrairement à ce que l'autre va dire, le croyant. Donc ça c'est l'état de cette personne-là dans la tombe. Wal'iyadu billah. Et il ne va pas être capable de parce qu'il n'est pas capable de répondre une réponse correcte. Et c'est pour ça que on va entendre un appel, quelqu'un qui va dire mon Seigneur a menti. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit mon Seigneur a menti. Faites-lui un tapis de feu dans sa tombe et ouvrez-lui une porte, hein? Enam, mon serviteur. Moi, j'avais dit quoi? Ah, ok. Enam, donc je me suis trompé. Donc, il va dire, mon serviteur a menti. Hein? Mettez-lui ou faites-lui un tapis de feu dans l'enfer. Wa alaykum salam, Muhammad. Et ouvrez-lui une porte de l'enfer, une porte vers l'enfer. Wal'iyadu billah. Le Cheikh il dit فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها ولا يكفي التعلم فقط بل نتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة لعل الله يثبتنا عند السؤال في القبر. أي نعم. Le Cheikh dit donc que c'est des questions qui sont, donc si ces questions-là sont tellement importantes ou sont importantes à ce point, c'est obligatoire pour nous donc de les apprendre et d'y croire avec conviction et certitude. Et c'est pas juste suffisant de les apprendre seulement. Il faut non seulement les apprendre et y croire et être convaincu de ça, mais il faut les appliquer. Hein? Il faut les appliquer tant qu'on est en vie, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse lors de la question. C'est-à-dire qu'il nous raffermisse pour qu'on soit capable de répondre correctement au jour qu'on sera dans notre tombe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 28 dans surat Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Verset 28 dans sourate Ibrahim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Donc ça c'est un verset vraiment clair à ce sujet-là. Et le cheikh dit donc فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. Donc ces trois fondements sont d'une grande importance pour nous et c'est pour ça que le cheikh il a mis beaucoup d'importance sur ça dans cette risale et il l'a clarifié dans le but qu'on puisse l'étudier et pour qu'on puisse s'approfondir dedans et y croire avec certitude et conviction et qu'on puisse l'appliquer pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse et ainsi que nous raffermisse ainsi que vous-même yani par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et juste en passant, je voulais juste partager avec vous une nouvelle qu'un frère m'a transmise aujourd'hui. C'est pas relié à ça, mais en fait, j'étais tellement content en même temps, donc c'est bien de partager ça avec vous. C'est que le frère il m'a envoyé un message parce qu'il habite à Médine. C'est le frère Ammar, en fait, peut-être que vous le connaissez, Ammar de Médine. Et il donne plusieurs cours des fois sur Paltalk et puis en tout cas il a plusieurs douros. Donc c'est un frère qui a étudié à Médine et qui est très proche des chouyouks et des ulama là-bas. Et il m'a envoyé donc un message, puis il me disait que dernièrement le roi en Arabie Saoudite, Abdullah ibn Abdelaziz, hafizahullah, eh bien, il a donné des milliards de dollars maintenant pour yani, l'islam, puis Hayat al-amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar, pour l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, pour aussi al-lajnat al-da'ima, le comité des savants permanents, et ainsi de suite. Et franchement, il a j'ai oublié les noms, les montants qu'il a mentionné, le frère, puis toutes les différentes choses qu'il a fait, mais franchement, parce que il a vraiment fait beaucoup de bien pour ça. C'était un discours qu'il a donné hier justement à ce sujet-là. Walaykoum salam wa rahmatullah. Donc franchement, c'est parce que depuis la guerre du Golfe, qu'est-ce qui est pas la guerre du Golfe, mais depuis le 11 septembre, il y a beaucoup de tensions laïques. Il y a beaucoup de gens qui ont des tendances laïques en Arabie Saoudite qui essaient de mettre de la pression et de l'influence pour y aller. Mettre les religieux de côté. Puis le roi a vu dernièrement, avec les événements qui se passent, que c'est les ulama qui ont encouragé et qui ont pris la défense yani, du roi, puis qui ont ordonné aux gens par rapport au Coran et à la Sunna de rester dans l'obéissance du dirigeant et de ne pas faire les manifestations, et que ces choses-là sont contraires à l'islam. Donc, il a vu qui étaient les gens sincères, qui étaient les gens sérieux. Et là, donc, à cause de ça, yani, il a vu le rôle important des ulama et de la da'wah et de l'islam et de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et comme le frère mentionnait justement, c'est que il y a beaucoup de jeunes parfois que tu les vois traîner dans les rues, qui font des bêtises. Hein, mais c'est, des fois, c'est pas juste des pécheurs ordinaires. Dans le sens que en même temps qu'ils sont des gens qui font des péchés, mais en même temps, ils ont des idéologies derrière ça. Donc, tu les vois, par exemple, qui se rasent la barbe, ou bien qui font d'autres catégories de péchés, mais en même temps, ils sont éblouis par l'Occident. Et ils croient en leurs valeurs de démocratie, ou de laïcité, ou des trucs de ce genre. Puis, c'est pour ça que c'est important, donc, de veiller à régénérer et faire revivre la moralité, puis aider ces jeunes-là et les ramener à la religion et à la compréhension correcte de l'islam. Donc, c'est pas juste que ces jeunes-là, tu les vois comme ça. Hein, même ici à Montréal, tu vois, tu vas prier dans certaines mosquées, tu vas voir des jeunes qui prient avec toi. Ils se rasent la barbe, ils fument la cigarette quand ils sortent de la mosquée, ils s'habillent des fois un peu n'importe comment, hein, ils suivent toutes sortes de modes, puis tu les vois, ils viennent prier. Mais dans leur tête, dans leur esprit, ils ont toutes sortes d'autres croyances, toutes sortes d'autres idées politiques, économiques, sociales et autres, qui ne sont pas basées sur le Coran et sur la Sunna, qui sont basées sur les idéologies des koufars, que les Ikhwan ont essayé d'utiliser et d'adapter l'islam à ces idéologies-là pour, disons, suivre leur passion dans ces questions-là. Donc c'est pour ça que ces jeunes-là, c'est pas juste des jeunes qui font des péchés seulement. En plus de ça, ils ont des déviations même dans leur aqida et dans leur comportement. Et c'est pour cette raison-là que c'est important de corriger la aqida et de clarifier aux gens la aqida. Et de parler des sujets justement qui ont rapport avec ces questions-là, yani qui opposent yani la aqida de l'islam, pour montrer la position de l'islam face à ces sujets-là, face aux idéologies des koufars et de l'Occident. Hein? Parce que eux, parfois ils pensent que ça n'a pas rapport avec la religion. Parfois ils pensent que ça c'est des choses sociales, économiques. Hein? Justement, j'écoutais une parole justement de Tariq Ramadan, il mentionnait quelque chose à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, quand vous parlez avec les non-musulmans, alaykoum salam wa rahmatullah, parlez-leur pas des questions religieuses de cette façon-là. Vous les ramenez sur les questions politiques et les questions économiques. Vous parlez en tant que Canadien, comme si nos problèmes, c'est pas la religion, ainsi et ça. Nos problèmes, c'est qu'il y a des problèmes économiques, par exemple, il y a du chômage, il y a ci, il y a ça. Comme ça, ils vont voir que vous êtes intéressé et concerné par les situations politiques, économiques de votre pays. Hein, c'est pas que la religion. Alors qu'en réalité, quand on regarde les choses sur le plan islamique réellement, on voit que tous les problèmes reviennent toujours à un problème dans la croyance, dans la aqida et dans la compréhension de la foi et de l'islam et du tawhid. Donc quand tu vas voir les problèmes, que ce soit les problèmes des Québécois, que ce soit les problèmes des Canadiens, ça revient toujours à la question de la foi à Allah subhanahu wa ta'ala à la base. La compréhension qu'ils ont de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ils existent, c'est quoi le but de notre existence sur la terre, pourquoi on a été créé, c'est quoi l'adoration, qui est-ce qu'ils adorent, hein? Est-ce qu'ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien est-ce qu'ils renient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils obéissent à des lois contraires à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Tout ça, c'est des choses qui font que par la suite, s'ils s'écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal qu'ils vont avoir d'autres problèmes politiques, économiques, sociaux et autres. Donc si tu veux dire que la religion n'a pas de rapport avec ces problèmes-là, c'est parce que tu n'as rien compris à la religion en réalité. Puisque tous les problèmes de l'humanité, à la base, sont un problème spirituel et un problème religieux. Puis qui se développe par la suite, hein, s'il s'agrandit, il devient un problème social, un problème économique et d'autres sortes de problèmes par la suite. Ça ne veut pas dire que si tu es croyant, tu ne vas pas avoir de problèmes politiques ou économiques. Mais au moins, tu vas savoir que la façon de régler ces problèmes-là, ça va être de revenir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas de chercher les solutions en dehors de ce que Allah nous a ordonné. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir en passant pour montrer que c'était une bonne nouvelle. J'avais envie de partager ça avec vous. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Il explique فإذا قيل من ربك فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. Donc si on te demande qui est ton Seigneur, ça c'est les paroles de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Si on te demande qui est ton Seigneur, alors dis mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui m'a éduqué, qui m'a élevé, qui m'a rabbani. Wa rabba jami' al-alamina bi ni'amihi. Donc c'est celui qui m'a éduqué, qui m'a fait me développer, qui m'a créé, qui m'a donné ma subsistance, qui m'a qui m'a guidé, ainsi de suite, et qui a fait la même chose avec tous les mondes, tous les univers. Il les a remplis de ses grâces. Et donc le cheikh Al-Fawzan, il explique cette parole. Il dit: لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة المجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة من آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. أما العقائد المبنية على الشبهات وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت، وهي عرضة للنقص وعرضة للإبطال، فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. لهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلب. Donc le cheikh il explique que après avoir expliqué c'est quoi ces trois fondements là de façon globale ou générale, maintenant il rentre dans les détails de chacun de ces fondements là. Avec les preuves de ces trois fondements-là dans le Coran et dans la Sunna. D'accord ? Donc le cheikh il dit qu'il donne des preuves dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées qui font partie de ces signes, et il donne des preuves également dans les preuves. Donc j'ai dit du Coran et de la Sunna en premier, et de ses signes dans la création, et également des preuves rationnelles aussi. Et c'est ainsi que la croyance et la conviction doit être établie et basée sur les preuves du Coran et de la Sunna, et sur l'observation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, pour que cette croyance et cette conviction soient fermement enracinées et ancrées dans le cœur, et qu'elle élimine tous les doutes et toutes les ambiguïtés, les choses qui ne sont pas claires. Tandis que les convictions et les croyances qui sont basées sur des shubuhat, sur des ambiguïtés, sur des doutes ou des choses de ce genre, ou sur des paroles, qu'est-ce que les gens ont dit, ou sur le fait de suivre aveuglément qu'est-ce que les autres ont raconté, ça c'est des croyances qui ne restent pas. C'est des convictions qui ne durent pas et qui ne sont pas établies, et qui peuvent facilement être réfutées ou contredites ou détruites. Donc ça c'est pas comme ça que la croyance du mu'min doit être. La croyance du mu'min, du croyant, doit être établie sur des choses certaines, sur des choses qui enlèvent le doute et les shubuhat. D'accord ? Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les preuves et de connaître les preuves. Ensuite le cheikh il dit فَلَا تَثْبُتَ الْعَقِيدَةِ وَلَا سَائِرُ الْأَحْكَامِ. Donc dans l'islam, on ne peut pas établir la croyance, et on ne peut pas non plus établir les règles de la charia, excepté si on a des preuves du Coran et de la Sunna, et des preuves de la raison, qui sont de la raison qui a été nettoyée ou qui a été purifiée de différentes influences extérieures parfois, parce qu'il y en a qui pensent que par exemple la raison ou la logique c'est la logique grecque ou des trucs comme ça. Ça c'est pas la logique, comme si comme si il y en a qui pensent que c'est comme ça la logique. Si tu n'utilises pas la logique grecque, tu peux pas, c'est pas de la logique. Alors que la logique, en réalité, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en chaque être humain. Hein? Et ce sont des choses qui sont évidentes et claires, qui ne nécessitent pas yani, beaucoup d'études pour l'avoir. Hein? C'est quelque chose, toute personne qui possède la raison, tu lui dis des choses raisonnables, il est capable de le comprendre. Hein? Il n'a pas besoin de faire toutes sortes d'études pour comprendre des trucs comme la logique d'Aristote ou des trucs de ce genre. Donc la logique, hein, la logique et la fitra, ça on sait que c'est des preuves aussi. Et le cheikh il dit, et on voit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Les Trois Fondements, pas seulement dans ce livre-là, dans beaucoup d'autres livres également, il remplit chaque point de différentes preuves. Il mentionne toujours une preuve après chaque point qu'il mentionne. Pour que la personne qui lit ou qui entend ça, elle va être convaincue. Elle va voir la preuve. La preuve du Coran et de la Sunna est la preuve de la raison. Donc il n'y a pas un fondement, excepté que lorsqu'il en parle, il ramène des preuves à son sujet. Hein? Et donc, vous voyez par exemple ici, dans le Surah Salata, donc là maintenant, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est rendu ici. Donc le premier fondement, ça va, c'est ça et ça. Et bien vous voyez que la plupart c'est, qu'est-ce qui est en jaune et qu'est-ce qui est en vert? Ça c'est les versets en jaune et les hadiths en vert. Hein? Donc vous voyez que la plupart, à partir d'ici, de 1 jusqu'à 2, tout ça et ça, c'est presque seulement des versets du Coran, hein, et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des explications qui expliquent ces versets-là. Donc, le cheikh, il n'a fait que ramener des preuves à chaque fois qu'il mentionne quelque chose, pour que ta religion soit basée sur des preuves, pas juste sur des idées ou des pensées. C'est pas basé sur la méthode des philosophes ou des choses de ce genre. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle des gens de kalam, ahlul kalam. En fait, ils utilisent la logique des Grecs et la philosophie, hein, ou bien des méthodes ou des règles soi-disant rationnelles pour essayer d'arriver à la croyance en Allah et à la conviction. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ces principes-là? Ils disent que la première obligation pour le croyant, c'est de douter. Ça, c'est ça qu'ils disent. La première obligation pour le croyant, pour quelqu'un qui veut connaître Allah, c'est de douter. Donc il doit douter en tout. Puis il doit essayer d'établir les preuves rationnelles pour arriver à sa conviction. Hein? Alors que, comme on le sait, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est établi par la fitra. C'est quelque chose qui fait partie de la nature profonde de chaque être humain. Hein? C'est inscrit en lui-même. Il le sent, il le sait. Hein? Donc, il n'a pas besoin de réfléchir à ça ou d'avoir des arguments ou des preuves à ce sujet-là, il le sait et il le sent en lui-même. Déjà, ça c'est de un. Et en plus de ça, les preuves sont évidentes et claires. Donc, de chercher à mettre tout, de douter de tout, hein, en même temps, c'est en fait de contredire cette fitra et d'appeler même parfois à amener des doutes chez les gens qui n'existent même pas à la base. D'accord? Donc, la première obligation, hein, c'est pas de douter. Hein, la première obligation, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à lui et de l'unifier, hein, de rien associer avec lui. Donc, ça c'est pour montrer le point de contradiction des gens de kalam. Et non seulement ça, pour les gens de kalam, le tawhid, hein, le fait d'arriver à la foi pour eux, c'est d'arriver juste à établir et à prouver qu'il y a un Dieu unique qui existe. Mais pour eux, Tawhid al-Ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, ça n'existe même pas. C'est-à-dire que du moment que tu as reconnu que Dieu existe, c'est fini. Par la suite, si tu vas adorer une tombe, ou tu vas adorer un mort, ou un ange, ou un saint, ou un arbre, ou autre chose, c'est pas grave. Tant que tu reconnais que Dieu c'est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, et ainsi de suite. Hein? Il y en a qui vont même jusqu'à dire ça. Il y en a qui disent, si tu prends des intermédiaires entre toi et Allah, c'est pas du shirk. Hein? Ils vont pas dire que c'est du shirk. Oui. Non. Ah ben, les gens de Kalam, ils existent encore, et dans la plupart des pays musulmans, malheureusement. Si vous allez, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Libye, hein, vous allez au Pakistan, en Inde, en Turquie, dans la plupart des pays musulmans, qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est ça. La aqida, qu'on appelle la aqida des Asha'ira et des Maturidiyya. Et cette aqida est basée sur la aqida des gens de Kalam. C'est Tariqat Ahl al-Kalam. Asha'ira et Maturidiyya. Dans les universités, dans la plupart des pays musulmans comme en Égypte ou au Maroc ou ailleurs, dans les autres pays, en Algérie, ailleurs, ces gens-là, c'est cette aqida qu'ils enseignent. Pour eux, il n'y a pas Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat. Pour eux, Tawhid, c'est une seule catégorie, et c'est Tawhid al-Rububiyya. Al-Ibada wa al-Asma al-Sifat, al-Asma al-Sifat, ils nient les attributs d'Allah. Donc, ils n'ont pas besoin de Tawhid al-Asma al-Sifat, ils les nient ou ils déforment leur signification. Hein? Ils affirment sept attributs, les autres, hein? On les déforme, on les change, on n'accepte pas leur réalité ou leur signification réelle. Et Tawhid al-Ibada, ça n'existe pas non plus pour eux. C'est pas une condition ou une catégorie de tawhid. Hein? Donc, il reste que tawhid al-rububiyya. Et ça, c'est, comme je te dis, c'est la aqida des gens de Kalam. Ils existent aujourd'hui, maintenant, ces gens-là. En fait, ces deux sectes-là, ils utilisent ilm al-kalam. Qu'est-ce qu'on appelle ilm al-kalam? Donc, eux font partie des gens de kalam. Mais parmi les gens qui font partie des mutakallimin ou des gens de kalam, il y a plusieurs sectes. Il y a les Jahmiyyah, il y a les Mu'tazila, il y a les Asha'ira, et il y a les Maturidiyya. Et il y a d'autres aussi. Mais ça, c'est les plus important. Il y a des ulama qui disent que tous les gens de bid'a sont des gens de kalam. Parce que le kalam, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole. Donc ces gens-là, ils parlent beaucoup. Hein? Et ils parlent des questions de la religion qui ont rapport avec le ghaib, l'invisible, et qui ont rapport avec la croyance, mais sans se référer fondamentalement à la révélation. Ils se réfèrent à leur base, c'est quoi? C'est la raison, l'aql, selon eux. C'est pour ça. Donc, j'en ai parlé à la fin du livre que j'ai rassemblé des paroles des ulama dans le livre « Toute bid'a est égarement ». J'ai expliqué à la fin qu'est-ce que c'est « ilm al-kalam » et c'est qui les gens de kalam et qu'est-ce que les salafs ont dit au sujet de « ilm al-kalam ». Tous les imams, les grands imams des salafs ont tous condamné « ilm al-kalam » et ils ont considéré que de lire dans les livres de kalam, c'est haram. Et que les gens qui ont recours à al-kalam sont des gens de bid'a. Hein? Donc ça c'est clair dans les paroles des imams, parmi les imams des salafs. Et le plus étonnant c'est que c'est souvent des gens comme les Asha'ira et les Maturidiyya qui prétendent suivre les Madahib. Hein? Beaucoup d'Asha'ira sont par exemple des Malikiyya ou bien des Shafi'iyya. Et il y a des Ahnaf qui sont Maturidiyya. Donc ils vont dire, nous on suit les Madahib. Parmi les savants qui ont été les plus sévères à condamner ilm al-kalam, il y a l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. C'est eux qui ont le plus condamné ilm al-kalam. Et malgré tout, ceux qui l'utilisent le plus aujourd'hui sont ceux qui prétendent suivre ces madahib-là aujourd'hui. Donc tu vois la contradiction dans laquelle ils sont. Yani. Donc... pour revenir donc à où est-ce qu'on était rendu à ce sujet-là, c'est important de savoir ces choses-là. Puis le cheikh, il dit donc que il faut donc établir notre aqida sur des preuves. Et donc le cheikh, à chaque fois qu'il passe sur un des fondements, les trois fondements qu'on va mentionner, il remplit ces points-là et ces fondements-là de preuves et également d'évidence rationnelle et de preuves qui rejettent toutes les différentes formes de doute et de passion et qui enracinent la aqida dans le cœur. Tout s'est basé sur les preuves du Coran et de la Sunna. Tandis que si tu vas lire les livres de aqida écrits par les gens de kalam, tu vas voir que du kalam, c'est-à-dire que des paroles des hommes. Et un tel a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il a dit. Tu vas lire le livre au complet, tu vas même pas trouver presque des versets de Coran ou des hadiths. Parce que leur aqida s'est basée sur la philosophie seulement. Tandis que tu vas lire les livres, par exemple, des ulama salafiyin, tous les imams de l'islam, tu vois leurs livres, c'est toujours qala Allah, qala Rasulullah. Hein? Regardez dans un petit livre comme ça, comme Al-Sulat Talata. Hein, tout ce qui est en jaune, c'est des versets du Coran. Et qu'est-ce qui est en vert, c'est soit des hadiths ou bien des titres, des points. Donc ça veut dire que plus que la moitié, c'est que des preuves du Coran et de la Sunna. Hein? Donc quand plus tard, inshallah, vous allez, disons, être plus ferme et plus solide dans votre aqida et dans votre compréhension, vous allez voir, par exemple, dans certains livres, comme le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, quand il donnait des durus, par exemple, à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait, par exemple, à l'usul al-salata, il enseignait al-aqidat al-wasitiyya, al-aqidat al-tadmuriyya, al-hamawiyya, et al-tadmuriyya, et al-tahawiyya aussi, et kitab al-tawhid. Il disait à ses élèves, il dit, les élèves qui sont arrivés à un niveau qui sont assez forts, qui sont capables, qui ont atteint une bonne compréhension de l'aqida, comme les élèves d'université qui ont atteint une bonne base dans leur science, il leur conseillait d'aller acheter certains livres de base des Asha'ira pour lire leurs livres, pour connaître leurs shubuhat. Et pour voir qu'est-ce qui était écrit dans leurs livres à eux, comme ça quand ils les réfutent avec connaissance et avec science, et en même temps ils vont être convaincus de ce que les ulama d'Ahl Sunna disent contre eux, hein, contre ces gens-là. Et effectivement, yani, quand tu regardes dans leurs livres, tu vois que c'est comme les ulama d'Ahl Sunna l'ont expliqué et l'ont clarifié, que du kalam, hein. Et des fois, ça met des doutes, même dans ta foi, quand tu lis ces livres-là. Et c'est pour cette raison-là que les ulama ont mis en garde les musulmans en général de ne pas lire les livres de kalam et de ne pas rentrer dans ilmul kalam. Parce que tu lis ça, il y a plein de shubuhat. Et même des fois, ils ramènent des shubuhat, ils peuvent même pas les réfuter eux-mêmes. Hein? Et ils mettent des doutes dans la croyance des gens avec ça. Et même par exemple, Al-Ghazali, celui qu'ils appellent, beaucoup de gens se réfèrent à lui, Al-Ghazali, hein, pas le Abu Hamid, pas Al-Ghazali qui est mort, Muhammad Al-Ghazali qui est mort dernièrement, là, l'Égyptien, hein, lui aussi il était, il avait des égarements, il fait partie des Ikhwan et des gens qui suivent la tendance des rationalistes et des modernistes, mais l'ancien, celui qui est né il y a des siècles, Abu Hamid Al-Ghazali, celui qu'ils ont appelé Hujjatul Islam, hein, eh bien lui, hein, même s'il ne mérite pas ce titre-là pour de vrai, hein, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, faisait partie des gens de kalam, faisait partie des mutakallimin. Et lui, il est une des références dans le madhab des Asha'ira. C'est considéré pour eux comme une des grandes références dans l'aqida des Asha'ira. Eh bien, Al-Ghazali, il a écrit un livre qui s'appelle Il-Jamul Awam an Ilm al-Kalam. Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, il a écrit un livre qui s'appelle Il-Jamul Awam an Ilm al-Kalam. C'est-à-dire pour empêcher le commun des musulmans d'étudier Ilm al-Kalam. Pourquoi? Parce qu'il a vu que il y a premièrement l'ijma des salafs sur le fait que c'est interdit de rentrer dans le kalam et de mettre en garde contre le kalam. Ils sont tous d'accord là-dessus. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est interdit pour les gens ordinaires, mais lui-même il l'utilisait et il disait que pour les savants et pour les autres c'est obligatoire de le connaître. Hein? Parce que pour lui il pensait que c'est un moyen pour arriver à la vérité. Donc il s'est trompé là-dedans. Et c'est pour ça Ibn Taymiyyah, il l'a réputé parmi d'autres, yani également, et dans un de ses livres, dans plusieurs de ses livres, il a réfuté cette idée qu'on avait besoin de Ilm al-Kalam. Allahu a'lam. Je sais pas. Mais en tout cas, Al-Ghazali en général, il a été critiqué par, même à son époque, par les ulama de son époque. Hein, et même par ses élèves, par certains de ses élèves. Ils ont dit que Al-Ghazali, il a lu un livre qui était écrit par Ibn Sina, qui s'appelait Ash-Shifa, philosophe, hein, un égaré parmi les hérétiques, hein, beaucoup d'écoles musulmanes maintenant sont appelées par ce nom-là, Ibn Sina. Ils savent pas que c'est quelqu'un qui fait partie des Qaramita. Une secte parmi les sectes hérétiques qui sont en dehors de l'islam, qui sont des koufars, hein, eh bien, ils appellent ces écoles-là Ibn Sina. Les ulama ont dit que ce n'est pas permis d'appeler les écoles Ibn Sina, hein, parce que c'est un individu qui était un hérétique, hein, qui avait une aqida qui est une aqida de koufre. Eh bien, Al-Ghazali a lu ce livre qui s'appelait Ash-Shifa, c'est-à-dire le remède, et il l'a avalé, il est devenu malade et il n'a pas pu le faire sortir par la suite. Il n'a pas pu le vomir. Donc, ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'un de ses élèves a dit à son sujet. Et également, d'autres ulama l'ont critiqué parce que dans son livre Ihya Ulumuddin, qu'il a écrit, eh bien, il s'est rempli de aqida des batiniyas, des sectes ésotériques. Hein? Et naam. Et en même temps aussi, c'est rempli de hadiths qui sont maudours, et même c'est rempli des aqidas, des croyances des soufis extrémistes qui appellent à wahdatul wujud et à des croyances de kufr. C'est pour ça que lorsque son livre est arrivé à l'époque au Maghreb, les ulama de l'Andalousie, le dirigeant de l'Andalousie avec les ulama ont ordonné de le brûler, et ils l'ont brûlé devant la mosquée. Hein, son livre Ihya Ulumuddin. Donc aujourd'hui tu entends certains parmi les gens de Bid'a, Soufia ou bien les autres, ils utilisent ce livre là et ils font la propagation de ce livre là ils encouragent les gens à lire ce livre là ils font les éloges de ce livre là et ils ne mettent pas en garde contre les égarements qui sont dedans, alors que les ulama, alhamdulillah, ils ont mis en garde contre ce livre là et il y a d'autres ulama qui ont même, en tout cas, interdit même de le lire. Tout ça, c'est pour faire comprendre que il y a la méthodologie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il y a la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de croire en Allah et comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunnah, et comment les sahaba ont compris l'islam. Puis il y a la méthode de ces gens de kalam, qui est une méthode complètement étrangère et différente de ce qui est dans le Coran et dans la Sunnah. Complètement différente de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc, ça ne veut pas dire que si on est contre Ilm al-Kalam, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'utilisation de la raison, mais de la raison qui est en accord avec la révélation. Et non pas de la raison qui vient pour opposer et contredire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc, يعني ساسي ان بوين امبورطان اكلاريفي ابري لو شيخ زي وقوله رحمه الله فاذا قيل لك اي سئلت من ربك فهذا سؤال وارد ستسال عنه نعم وقوله رحمه الله فاذا قيل لك اي سئلت من ربك هذا سؤال وارد وستسال عنه في الدنيا والآخرة فلا بد أن تعرف ربك وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان فقل ربي الله وهذا هو الجواب الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه فهذا استدلال عقلي فالرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى ويصل إليه الغذاء ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله هذه تربية في البطن ثم إذا خرج فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة. Donc le cheikh il dit ensuite que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit donc si on te demande qui est ton Seigneur et ça c'est une question qui va être posée dans cette dunya et dans l'au-delà. Alors il faut que tu saches qui est ton Seigneur Azza wa Jal et que tu répondes par une réponse qui est correcte et qui est établie sur la raison qui est établie sur la certitude et sur la preuve. Alors tu réponds et tu dis que ton Seigneur, hein, tu dis mon Seigneur, voilà la réponse, c'est Allah. Mon Seigneur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui m'a éduqué, qui m'a fait me développer, qui m'a créé, et qui a également donné toutes ses grâces à la création et au monde. Et ça, c'est une raison, c'est une preuve rationnelle de la raison que le cheikh il a employé ici. C'est-à-dire, c'est qui ton Seigneur? Ton Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? C'est celui qui a tout créé, celui qui a tout, qui fait que tout se transforme, se forme, se crée. Hein? C'est lui qui est le maître de l'univers, c'est lui qui est le pourvoyeur, celui qui donne le risque à la création. Et donne, le cheikh, il donne des exemples. Donc, il dit, le Seigneur, c'est celui qui t'a créé, qui t'a fait te développer, qui t'a nourri, hein, et qui a donné à tous ses serviteurs sa grâce et toutes ses grâces, qui le nourrit de sa subsistance et qui les a créés alors qu'ils n'étaient rien de mentionnable, hein, dans le ventre de leur mère. Quelque chose de minuscule qu'on peut même pas voir dans le ventre de leur mère, puis qui se développe dans trois ténèbres, dans trois couches de ténèbres, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Hein, et c'est le ventre, puis l'utérus, puis le liquide amniotique dans lequel le bébé il flotte, il est dans le ventre de sa mère. Hein. Et il y a le cordon ombilical qui est accroché au nombril du bébé qui est relié au placenta dans l'utérus qui fait que la nourriture passe de la mère jusqu'au bébé. C'est qui donne le risque au bébé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette façon-là. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait parvenir la subsistance à ce bébé-là de la mère jusqu'au fœtus. Et donc le fœtus il grandit dans le ventre de sa mère et jusqu'à ce que il reçoit l'âme qui est insufflée en lui par la suite, puis là il commence à bouger et à vivre dans le ventre de sa mère par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le développement que Allah subhanahu wa ta'ala crée dans le ventre de la mère. Et lorsque par la suite le bébé sort dans cette vie, dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne d'autres grâces encore. Il lui donne la santé, il lui donne le fait d'être en bonne forme, de ne pas avoir des infirmités ou des choses de ce genre. Et puis, il fait ensuite qu'il est nourri du lait de sa mère. Il est nourri du lait de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce lait-là dans sa mère qui le nourrit de ses seins, de ce lait qu'il boit. Et par la suite, quand il est capable de se passer du lait, il commence à se nourrir de la nourriture, puis il commence à se développer et à croître et à grandir de plus en plus. et sa raison, son ouïe, sa vue également croît hein, et augmente jusqu'à ce qu'il atteint la puberté, puis il continue à grandir et à grandir jusqu'à ce qu'il atteint le niveau le plus de sa force la plus grande. Il a atteint l'âge de 40 ans, donc à 40 ans on dit que c'est un balara ashuddahu, il a atteint le plus haut niveau de sa force physique et intellectuelle à cet âge-là, hein, à 40 ans. On dit que c'est à 40 ans qu'on devient un homme, hein, dans l'islam. Parce que c'est l'âge où l'homme a atteint le plus haut niveau de sa force. Et le cheikh il dit ensuite, « Faman illadhi yurazihi » من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموت من الذي يغذيه ثم من الذي يصور له هذا الطعام أو يصور هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية وعضلة وإلى كل مكان في جسمه ومن الذي يشهي أو نعم يشهي إليه الطعام والشراب ومن الذي يصرفه ويخرج منه ضرره ومن الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان أليس هو الله سبحانه وتعالى هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي وهو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. Donc le cheikh il dit, c'est qui donne à cet être humain sa nourriture lorsqu'il est dans le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il meure, et c'est qui le nourrit hein, et qui lui donne cette nourriture, et c'est qui lui fait boire hein, et lorsque tu manges cette nourriture là que tu manges, elle descend dans ton estomac, elle est digérée, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu bois, ça descend dans ton estomac, après par la suite ça rentre dans ton système, et que ça va, chaque particule de nourriture ou d'énergie hein, va là où il est nécessaire. Hein. Chaque cellule, hein, chaque organe de ton corps qui a besoin de quelques nutriments ou quelque chose, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette nourriture que tu as mangée là, elle est transformée, et puis elle est emmagasinée et qu'elle est distribuée à travers ton corps là où on en a besoin pour nourrir et pour faire fonctionner cette machine que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, qui est ton corps. Hein? Tout ça c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. C'est qui te fait désirer cette nourriture là? Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas décidé ça, et qu'on n'avait pas faim, vous imaginez, si on n'avait pas faim, si on n'avait pas soif, on pourrait mourir de faim, on saurait même pas qu'on avait faim. Hein? On n'aurait même pas conscience que notre corps, il est en manque de quelque chose. On continuerait comme ça, nos activités, nos choses, qu'est-ce qu'on fait? On saurait même pas que notre corps, il a soif, ou que notre corps, il a faim. Et on mourrait comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait justement qu'on ait cette faim, cette soif, et qu'on ait ce désir. Hein? Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui ont des troubles de l'appétit. Hein? Soit qu'ils ont trop faim tout le temps, ou bien soit qu'ils n'ont jamais faim. Et ceux qui ont trop faim, ils mangent trop, on voit qu'est-ce qui arrive. Et ceux qui n'ont jamais faim, qui ne mangent pas assez, on voit qu'est-ce qui arrive aussi. Hein? Et donc c'est pour ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a équilibré les choses, et il a fait chaque chose pour une sagesse. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, qui fait que quand on mange, on est capable d'évacuer aussi les choses qui sont mauvaises de notre corps après avoir mangé. C'est qui a fait ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça c'est pour notre bien aussi, et il y a une sagesse là-dedans aussi. Hein? Imaginez ceux qui ont des troubles dans leur corps, ils ne sont pas capables d'évacuer les choses mauvaises pour eux. Hein? Ça, c'est pas facile. Donc, tout ça, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est qui fait ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a hein, formé cette créature, qui l'a créée, qui le fait se développer, et ainsi de suite. Hein? Et donc c'est lui notre Rabb, et c'est lui qui nous a fait développer, et c'est lui qui nous a créé et qui a rempli toute sa création de ces grâces-là. Tandis que les kuffars, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Ils disent ça, c'est le hasard qui fait ça. La nature. Ils veulent pas dire Dieu, ils veulent pas dire Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont trop orgueilleux. Ils ont l'orgueil et la fierté dans leur cœur. Hein? Hein? Exactement. Ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'ils disent, hein, ces kuffars. Comme s'ils pensent que la matière inerte, elle a une intelligence d'elle-même pour décider qu'est-ce qu'elle va faire. Ou bien qu'elle a une volonté et qu'elle peut choisir entre une chose ou une autre et distinguer entre une chose ou une autre. Alors que c'est de la matière inerte, hein, des atomes, des molécules réunies ensemble qui ont une volonté, une conscience, une sagesse. Non, ça c'est pas possible. Hein, de penser que ces choses-là peuvent exister d'elles-mêmes, premièrement, on sait que de rien on peut rien faire, à partir de rien on peut rien faire. Hein, donc cette chose qui existe, il faut qu'elle vienne de quelque part, elle peut pas apparaître toute seule, et une fois qu'elle existe, cette matière, elle peut pas se développer ou se mouvoir toute seule, il faut que quelqu'un mette la vie dedans, et elle peut pas se faire vivre d'elle-même. Hein. Donc, comment tu vas expliquer ça? Hein? Il faut que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si tu essaies de trouver d'autres explications, tu ne vas pas être satisfait. Parce qu'il y aura toujours un manque dans cette explication-là. Hein? Et donc souvent, c'est ça quand tu parles avec des koufars, c'est l'orgueil. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Allah réellement. Parce que la vérité, c'est que même ces gens-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui sont athées, ils croient en Allah dans leur cœur. Mais c'est parce qu'ils sont trop orgueilleux et fiers. Ils ne veulent pas se soumettre à lui. Donc, ils préfèrent refuser de l'admettre et de le reconnaître. Hein? Et si vous voyez, par exemple, certains parmi les athées ou les koufars qui donnent des cours de science, par exemple, parfois, ils enseignent des sciences, tu te dis, subhanallah, comment ces gens-là peuvent être aveugles au point de voir toutes les choses que Allah a créées dans la création, tous les signes qu'il a mis devant eux et qu'il leur a donné la raison pour réfléchir. Et malgré ça, ils ferment les yeux, hein, et ils refusent de se soumettre à leur créateur, hein. Malgré tous ces signes et tous ces signes et toutes ces preuves qui sont, hein, tout droit devant leurs yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّهُ. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils l'ont renié alors que dans leur âme, dans leur cœur, ils en étaient convaincus avec certitude. Mais ils l'ont renié par orgueil et par fierté et par arrogance. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plein d'autres versets à propos de Pharaon aussi. Justement, ce verset, c'est à propos de Pharaon. Et il y a plein d'autres versets aussi, comme par exemple, il y a un verset qui dit « Afillahi shak ». Hein? Est-ce qu'il y a des doutes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Est-ce que quelqu'un peut douter d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que tu vas voir dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne plein de preuves par les signes, par la création. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé le ciel? Hein? Est-ce qu'ils ne sont pas regardés eux-mêmes, comme on les a créés? Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé les animaux? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé leur nourriture qu'ils mangent? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé, hein, pour qu'ils réfléchissent? Parce que les signes sont tous devant toi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de preuves. Hein? Non, mais c'est ça maintenant. Maintenant ils disent que c'est la fin du monde, mais nasallallahu al-afiyah. Ces gens-là maintenant, le fait qu'ils disent ça, peut-être qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, mais ils ne croient pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Ou bien ils nient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout dans l'univers. Hein? Ils refusent de l'admettre. Ils donnent à ces événements-là d'autres explications. C'est telle plaque ou telle plaque tectonique qui a bougé, ou cette fissure qui s'est ouverte, ou telle chose et tout. Et par la suite, ils essaient donner des interprétations matérialistes à ces choses-là seulement. Et il nie la sagesse divine. Donc juste pour terminer, Inch'Allah, en passant justement, le Japon c'est un pays, la plupart des Japonais, ils ne croient pas en l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des gens, ils ont des philosophies comme le bouddhisme ou des trucs comme ça. Hein? Et eux, ils ne se posent pas les questions à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand, justement, quand on a discuté avec certaines personnes justement qui posaient des questions à ce sujet-là, on a donné l'exemple. Hein, c'est comme si par exemple on a maintenant des gâteaux ou des biscuits, hein, on les mange, on les achète au magasin. Mais si tu prends par exemple n'importe quel ingrédient, de la farine, du sucre, hein, des trucs, tu les prends, tu les jettes dans une boîte, hein, après tu les mélanges, n'importe quelle quantité, sans prendre en considération la quantité, et qu'est-ce que tu mets dedans? Tu prends juste ça comme ça, tu les mets dans une boîte, après tu le secoues. Et après, tu le mets dans le four. Est-ce que ça va faire un gâteau? Tu le mets à n'importe quelle température. Est-ce que ça va faire un gâteau? Non. Hein? Il faut non seulement savoir les bonnes quantités, les bonnes proportions, la bonne température, la bonne durée de temps, et que tous ces éléments et ces facteurs-là soient mis ensemble pour qu'à la fin, le résultat donne ce gâteau-là. Hein? Ça peut pas juste être comme ça par hasard. Hein? Et la même chose, n'importe quelle chose aussi, tu prends tu vas prendre des lettres, hein, tu vas les couper, tu vas les mélanger, tu vas les jeter en l'air. Est-ce que la probabilité que ça va tomber pour faire une phrase, ou bien un mot, ou bien un livre, hein, ça c'est impossible. Donc, ça peut pas juste dire, tu peux pas juste dire que c'est le hasard, hein. Peut-être pour toi, tu regardes ça, tu dis ça c'est le hasard, parce que tu penses que la probabilité est tellement infime pour que ça se produise, tu dis ça c'est un hasard. Mais pourtant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est calculé. Hein? Tout ce qui se produit, c'est calculé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui se passe dans l'univers excepté que c'est lui qui l'a voulu. Hein? Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe du ciel excepté que c'est par sa permission. Il n'y a pas une feuille qui bouge dans un arbre excepté que c'est lui qui l'a voulu. Et il n'y a pas une feuille qui tombe de cet arbre qui va par terre excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu et qui l'a écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il n'y a rien qui se produit dans cet univers excepté par la permission d'Allah. Même pas un atome peut bouger sans que lui l'ait décidé et sans que lui l'ait voulu. Donc, hein, il n'y a pas de hasard pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est pour nous. Hein? Pour nous les créatures, quand on regarde le monde, on pense ça des fois. Hein? Donc nous, il faut être convaincu que tout ce qui arrive et tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé et qui l'a créé par sa sagesse. Hein? Et on voit plein de signes de sa sagesse justement juste en observant le monde, juste en observant sa création. Et on ne peut pas avoir de doute. Ça c'est une certitude. Et celui qui doute en ça, c'est lui qui a un problème. Hein? Donc ça, il faut en être convaincu. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera ce cours la semaine prochaine. Demain, Inch'Allah, on va faire la suite du cours sur les fondements de la da'wah salafia, comme on faisait d'habitude. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.